Lettre 17e. Conversation avec un républicain. Suite des préparatifs pour le procès monstre. La garde municipale. La garde nationale. Dans les jours malheureux où nous vivons, nous sommes si accoutumés à entendre parler d'émeutes faites ou à faire, ici, là, partout, que les nerfs finissent par s'endurcir. Et si l'on n'y devient pas tout à fait indifférent, du moins, la menace n'a plus le même effet sur notre esprit. Mais dans la ville de Paris, l'affaire de créer des émeutes d'un côté et de les apaiser de l'autre se fait d'une manière si aisée et si familière que tous les matins nous nous attendons qu'avec notre déjeuner on nous apportera quelques nouvelles de ce genre. Et l'intérêt que je mets à examiner ce qui se passe autour de moi me fait en grande partie oublier ma crainte des suites désagréables qui en peuvent résulter. En vivant au milieu de ces divers partis, et en écoutant tantôt l'un, tantôt l'autre, un étranger éprouve à peu près la même sensation qu'un spectateur qui tournerait autour d'une table de whist, regarderait les cartes de chacun des joueurs, et examinerait la manière dont ils dirigent leurs jeux respectifs. Je n'ai pas besoin de vous rappeler combien souvent il est arrivé qu'au moment où la partie paraissait finie, et où le gagnant semblait n'avoir qu'à ramasser l'argent, les cartes ont de nouveau été mêlées et la partie a recommencé sur de nouveaux frais. Aussi les gens ont-ils toujours l'air ici d'être à l'affût de nouvelles chances, de nouveaux paris, de nouvelles pertes et d'un renouvellement de confusion. Je puis vous assurer que le jeu qui se joue en ce moment à Paris est fort animé et donne lieu à beaucoup de mouvements. Les procès politiques doivent commencer mardi prochain et les républicains sont absolument dans le même état qu'un essaim de guêpes qui se voit attaqué dans sa forteresse. Ils ont été non seulement sur le qui-vive, mais encore en apparence fort joyeux de la perspective qui s'offrait à eux. La même personne qui, peu de temps après notre arrivée, nous avait donné les nouvelles alarmantes dont je vous ai parlé, est revenue me voir la semaine passée. Jamais je n'ai vu d'homme changer à ce point en si peu de temps. La première fois que je le vis, il était sombre, triste, malheureux à l'excès. Mais dans sa dernière visite, il se montra gai, enjoué et content. Il n'était pourtant pas dans une disposition à beaucoup causer sur la politique et je suis convaincu qu'il avait pris avant de venir la résolution de ne pas satisfaire la curiosité que nous pourrions témoigner à ce sujet. En attendant, quand le cœur est plein, il s'épanche involontairement et il ne nous quitta point sans nous laisser entrevoir ce qui se passait dans le sien. Remarquez bien que je ne trahis point sa confiance en répétant ce que ce jeune homme dit en ma présence, car dès la première fois qu'il me vit, il m'assura qu'il savait fort bien que j'étais une absolutiste enragée, mais que loin de craindre de parler devant moi, rien ne pouvait lui être plus agréable que la pensée que je publierais chaque mot qu'il prononçait sur la politique. Je lui répondis que si en effet je le publiais, ce serait sans le nommer, attendu que je serais au désespoir d'apprendre que mon témoignage lui conduit à la guillotine, de sorte que nous nous entendions parfaitement bien. Le jour en question, il commença donc à parler gaiement et avec galanterie des plaisirs de Paris, et il exprima l'espérance que nous profiterions pour en jouir de l'intervalle de tranquillité qu'offrait la capitale. « Pensez-vous, dit l'un de nous, que cet intervalle de tranquillité soit suivi d'une tempête ?»« Mais que sais-je ? Il fait beau temps à présent, à ce que vous voyez. Et l'opéra ? Mon Dieu, c'est superbe, l'avez-vous vu ? Vu quoi ? Mais la juive ! À présent, il n'y a que cela au monde, vous lisez les journaux. Oui, du moins, le Galignani. Ah, c'est assez pour vous autres. Y a-t-il aujourd'hui quelques nouvelles intéressantes dans les journaux ? Intéressantes ? Mais oui, assez, cependant... Et puis il recommença à parler de comédies, de bals, de concerts et de je ne sais quoi encore. Je voudrais bien savoir, lui dis-je en l'interrompant, si vous pensez, en cas qu'il survienne un mouvement populaire, que les Anglais soient molestés. Non, madame, je ne le crois pas, surtout les femmes. Cependant, si j'étais vous, madame Trollope, je prendrais pour le moment le nom d'O'Connell. Vous pensez donc que ce nom me tiendrait lieu de passeport dans toutes les scènes de trahison ou de révolte auxquelles je pourrais assister ? Il répondit en riant que ce n'était pas là précisément ce qu'il voulait dire, mais seulement que le nom d'O'Connell était aussi respecté en France qu'à Rome, et serait peut-être un jour celui du pape, si son désir d'établir une république en Irlande ne lui permettait pas d'accepter le titre de roi. Une république en Irlande ? Peut-être est-ce là précisément ce qu'il faudrait, dis-je. Mais ne voulant pas entamer une discussion sur les nuances du langage, je ne répondis point aux compliments qu'il commençait à me faire sur la libéralité de mes sentiments, et je lui demandai s'il croyait que les amis des accusés eussent l'intention d'entraver le cours de la justice. Sans se douter du sens équivoque que j'avais donné à la réponse que je lui avais faite sur la République irlandaise, il me répondit à son tour d'une manière très équivoque en s'écriant avec énergie « Non, jamais. Ils ne feront jamais rien pour entraver le cours de la justice. » « Mais feront-ils ce qu'il faudra pour y aider ? » repris-je. À ces mots, il sauta de sa chaise, bondit par la chambre, et pour cacher sa joie, il feignit de regarder par la fenêtre. Puis, se retournant de nouveau vers moi, il prononça du ton le plus solennel « Ils feront leur devoir. » La conversation se prolongea pendant quelque temps encore et roula tantôt sur la politique, tantôt sur les plaisirs, et quoique nous ne puissions obtenir de lui aucun renseignement précis, il était évident qu'il se passait quelque chose parmi les têtes chaudes de son parti qui lui donnait l'espérance de résultats importants. L'énigme me fut expliquée peu d'heures après son départ. Les accusés politiques, dont la plupart étaient logés dans la prison de Sainte-Pélagie, furent transférés au Luxembourg, et les républicains se flattaient qu'ils se trouveraient assez de mécontents à Paris pour faire à cette occasion une fort jolie petite émeute. Mais jamais espoir ne fut plus complètement déçu. Ce transfert ne paraît pas avoir fait la moindre sensation dans le public, et l'on m'assure que le parti républicain en est si cruellement désappointé que les plus exaltés de ce parti ont cessé de croire pour le moment au triomphe de leur cause. Je pense, d'après cela, que nous serons quelque temps sans recevoir de visite de notre ami l'amateur d'émeutes. En attendant, les préparatifs continuent à se faire au Luxembourg avec le plus grand ordre et de la façon la plus judicieuse. La salle d'audience et tout ce qui a rapport est achevé. Des tentes ont été dressées dans le jardin pour recevoir les soldats, et des sentinelles placées de tous les côtés donnent aux habitants paisibles l'espoir le mieux fondé que la tranquillité ne sera point troublée. Nous avons assisté à une revue de fort belles troupes sur la place du Carrousel. Elle se composait de gardes nationales, de troupes de ligne et de ce corps superbe qu'on appelle la garde municipale. Ce dernier corps remplit, à ce qu'il paraît, depuis la Révolution de 1830, les fonctions assignées auparavant à la gendarmerie. Mais ce dernier nom étant tombé en discrédit dans la capitale, celui de garde municipale lui fut donné en place, et ce n'est plus maintenant que dans les provinces que l'on trouve des gendarmes. Quoi qu'il en soit, de quelque nom qu'on les appelle, il est certain que je n'ai jamais vu de plus beau corps. Hommes et chevaux, uniformes et discipline, tout m'a paru parfait. Il est amusant d'observer quel léger fil suffit souvent pour tenir enchaînés les esprits les plus récalcitrants, et de songer à la toute-puissance d'un nom. J'ai en effet entendu des révolutionnaires se vanter de l'air du plus grand triomphe que, grâce à leur valeur, l'odieux système de la police était complètement changé, qu'il n'existait plus à Paris ni gendarmes ni mouchards, que les citoyens ne seraient plus jamais tourmentés par leur odieuse surveillance, en un mot, que les Français étaient pour toujours délivrés de l'esclavage. D'après cela, ils n'ont plus que la garde municipale pour veiller à leur sûreté, et si jamais hommes furent capables de bien remplir cette tâche, ce sont ceux dont se compose ce corps si bien dressé et si intrépide. La garde nationale, quand elle est rassemblée en grand nombre pour une revue, offre aussi un aspect très imposant. On reconnaît au premier aspect que ce ne sont pas des troupes ordinaires. Leurs armes sont dans le meilleur état, et le drap plus fin dont sont faits leurs uniformes contribue à produire cet effet. Sans compter que cet uniforme lui-même, qui est bleu foncé, tranchant avec le blanc des pantalons, est très flatteur à l'œil dans une revue. Je préfère infiniment ce blanc au pantalon rouge que portent aujourd'hui les soldats de la ligne en France, quoique peut-être ces derniers valent mieux en campagne. Le roi a fort bonne mine à cheval, ses fils aussi. L'état-major est brillant et a l'air fort belliqueux, et l'ensemble a l'apparence aussi aristocratique qu'aucun souverain le puisse désirer. Les cris de « Vive le roi !» se firent entendre en grand nombre dans les rangs, et si l'on doit s'y fier et les considérer comme un indice des sentiments de l'armée pour Louis-Philippe, il peut, je crois, être parfaitement tranquille et ne rien craindre de ce que d'autres pensent ou disent à son égard. Mais dans cette cité de contradictions, on ne peut jamais conclure avec certitude de ce que l'on voit. À peine avez-vous fixé votre opinion, que l'on vient vous dire que vous êtes dans une erreur complète et que la vérité est exactement le contraire de ce que vous vous imaginez. Ainsi, le soir, ayant parlé à quelqu'un de l'accueil cordial que les troupes avaient fait au roi, on me répondit « Je le crois bien, madame, les officiers leur commandent de crier. » Nous restâmes assez longtemps sur le terrain et nous vîmes tous qu'il était possible de distinguer du fond d'une voiture. Comme toute revue, quand les troupes sont bien habillées et bien tenues, c'était un beau et brillant spectacle. J'ajouterai que, malgré le reproche qui m'a été fait d'ajouter trop de foi à de vains sons, je suis toujours d'avis que le roi Louis-Philippe a toute raison d'être content de ses soldats et de la manière dont ils l'ont accueilli. Chaque instant que l'on passe à Paris doit augmenter, selon moi, la conviction du pouvoir énorme et de la grande importance dont jouit la garde nationale. Nos volontaires, à l'époque où l'Angleterre était menacée et en danger, nous procurèrent évidemment un grand accroissement de force. Et si l'homme qui nous menaçait d'une invasion avait osé venir, ni ses légions, ni ses aigles, ni ses vétérans, ni ses victoires précédentes n'auraient empêché sa perte. Il le savait et il ne vint pas. Il reconnut que notre petite île était hérissée d'armes depuis le centre jusqu'à la circonférence, d'armes prêtes à frapper par l'impulsion du cœur et de l'âme, et qui n'étaient pas placées dans les mains de conscrits. Il l'apprit et il fit sagement de ne pas venir. Nos volontaires étaient des hommes armés pour une cause qui faisait bouillonner leur sang, et la plus grande preuve que l'on puisse donner de leur importance, c'est que Napoléon jeta les yeux sur eux et se détourna. Mais quel que fût le pouvoir de ce corps dans un moment critique, comme force permanente, il ne saurait se comparer à la garde nationale de France, telle qu'elle est organisée aujourd'hui. Non seulement le nombre des gardes nationaux est plus considérable, Paris seul fournit 80 000 hommes, mais encore leur discipline est parfaite, et l'habitude qu'ils ont de monter la garde les tient en une activité si journalière qu'un seul coup de tocsin suffirait pour mettre le corps tout entier sous les armes dans l'espace d'une demi-heure, chaque homme le sac sur le dos, aussi entièrement convaincu de l'importance du service auquel il est appelé que le général lui-même, et chacun enfin joignant aux autres sentiments et motifs qui font communément la force d'hommes armés, le sentiment intime qu'il défend en même temps sa propriété et sa vie. C'est ce corps qui doit empêcher la France de dévorer ses propres entrailles, ou rien ne l'en empêchera. De toutes les nouveautés produites par l'expérience des hommes, qui augmentent sans cesse, nouveautés dont nous avons vu mûrir un si grand nombre depuis quelques années, je ne crois pas que l'on puisse en nommer une mieux faite pour remplir le but que l'on s'est proposé que cette organisation en un corps armé de la partie industrieuse et tranquille d'une société afin de tenir en respect la partie oisive et désordonnée, et cela sans que les individus qui le composent compromettent soit les intérêts de leur profession, soit leur indépendance personnelle, plus que tout homme jouissant de son bon sens n'est naturellement disposé quand il s'agit de veiller sur tout ce qui lui est cher et précieux sur la terre. Plus le pouvoir d'une semblable force augmente, plus le pays où elle existe doit être à l'abri de tout danger de révolution. De pareils hommes sont et doivent être des conservateurs dans le vrai sens du mot, et quoiqu'à la vérité il ne soit pas impossible qu'il s'y mêle quelques individus ennemis de l'ordre, le danger qui s'y joint doit certainement empêcher que cela ne se renouvelle souvent. Il serait aussi facile aux loups de monter la garde au milieu de bergers armés et de leurs chiens qu'aux démagogues et aux agitateurs de se placer dans les rangs de la garde nationale de Paris.